Yeah. Nous habitent depuis le Moyen-Âge, comme ces Anglais colonisateurs, nos cœurs sont braves. Nous faire tourner la page, ce serait leur vœu. Je ne peux pas car ils ont tué ma femme sous mes yeux. J'ai quitté ma campagne, attrapé un fusil. Ils ont détruit ma vie, ils vont en payer le prix. J'ai rejoint Dublin et sa résistance. Le prochain conflit mettra fin à mon existence. Patrick Killen, fusillé par l'armée anglaise. Héros de guerre, victime de la bêtise humaine. À nos morts qui ont payé de leur vie. À toutes les victimes de la guerre civile. À ceux qui ont écrit l'histoire avec leur sang. À tous nos héros qui sont tombés au front. À nos morts qui ont payé de leur vie. À toutes les victimes de la guerre civile. À ceux qui ont écrit l'histoire avec leur sang. À tous nos héros qui sont tombés au front. Habituel, les chants de la guerre, un bruit sourd m'extirpe de mon sommeil. On ne devrait pas voir ça à 10 ans et demi. En plus de ça, je suis le seul homme de la famille. Je dois veiller sur ma petite sœur Kitty. Maman est malade et papa est parti. Comme tous les jours, je dois nous ramener de quoi manger. Je traverse la ville en ruine et ses tranchées. Je vois un étalage, je prends ce que je peux. Quelques légumes qui nous feront tenir un petit peu. Je commence à courir, je croise une patrouille. J'essaie de m'enfuir, mais je m'écroule. Une base stoppe à ma course comme un coup de foudre. Maman et Kitty ne verront pas mon retour. Kenan O'Reilly, abattu par les Anglais. Victime de guerre, victime de la bêtise humaine. À nos morts qui ont payé de leur vie. À toutes les victimes de la guerre civile. À ceux qui ont écrit l'histoire avec leur sang. À tous nos héros qui sont tombés au front. À nos morts qui ont payé de leur vie. À toutes les victimes de la guerre civile. À ceux qui ont écrit l'histoire avec leur sang. À tous nos héros qui sont tombés au front. Village dans le Cork, au coucher du soleil. Une vieille grange entre les champs et les tourbières. Miss Donnelly est enceinte de 7 mois. Elle attend son mari parti au combat. Soudain des bruits de pas, sa porte vole en éclats. Et son salon est investi par des soldats. Des patrouilleurs anglais qui hurlent comme des chiens. À la recherche de quelques miliciens. Ils posent des questions, n'aiment pas les réponses. Le plus gradé bloque, ses sourcils se froncent. Puis par un coup de crosse en direction de son ventre. Elle s'effondre, il s'acharne sur elle à coups de botte. Elle l'encaisse mais depuis longtemps elle ne pleure plus, elle ne sent plus les coups, seulement ce cœur qui ne bat plus. Les soldats sortent et la laissent gisant sur le sol, en s'estimant clément de ne pas avoir commis de viol. Et là elle verse toutes les larmes de son corps. Qu'a-t-elle fait au ciel pour mériter ce sort? Shai Donnelly, victime de la guerre. Miss Donnelly finira veuve et ne sera jamais mère. À nos morts qui ont payé de leur vie. À toutes les victimes de la guerre civile. À ceux qui ont écrit l'histoire avec leur sang. À tous nos héros qui sont tombés au front. À nos morts qui ont payé de leur vie. À toutes les victimes de la guerre civile. À ceux qui ont écrit l'histoire avec leur sang. À tous nos héros qui sont tombés au front. À tous ceux qui ont versé leur sang pour le drapeau. Irish Pride.